Deuxième citation d'Augustin. Concernant un malade, Kurma de Tullium, près d'Hipponi, Algérie, membre de la pauvre classe municipale, peu éligible pour servir de juge à cette ville. On pouvait à peine sentir une légère respiration qui indiquait qu'il était encore en vie, ce qui empêcha d'être considéré comme mort puis enterré. Il n'avait pas bougé d'un doigt, ni les yeux, ne mangea rien, n'indiqua aucun signe corporel s'il fut touché de quoi que ce soit. Après de nombreux jours, il ouvrit les yeux, et la première chose qu'il dit est « Que quelqu'un aille chez Kurma le ferronnier, pour voir ce qui s'y passe. » On y alla, et on apprit que le ferronnier était mort au moment même où lui revint, ressuscité des morts. Kurma déclara avoir vu beaucoup de choses, comme en rêve, et ceux restés à ses côtés écoutèrent comment il avait été relâché, tandis que l'autre Kurma fut ordonné de venir. Il n'était pas le Kurma officiel, mais c'est le ferronnier qui avait reçu l'ordre de se faire conduire à la mort. Durant son sommeil, en vision, il avait aperçu des personnes qu'il avait connues de leur vivant. Il vit comment les défunts se faisaient traiter, chacun d'après leurs différents mérites. Il vit aussi des personnes encore vivantes aujourd'hui, des ecclésiastiques de son presbytère qui lui avaient recommandé de se faire baptiser à Hipponi par moi, Augustin. Après qu'il vit que cette chose se réalisa, il dit avoir été conduit au paradis, et de là comment il fut relâché pour retourner dans sa famille. Il entendit dire « Va te faire baptiser si tu veux venir dans cet endroit béni. » Quand il fut averti de se faire baptiser, il répondit que cela avait déjà été fait. Celui qui parlait lui dit « Ce que tu as vu n'était qu'une vision du futur. Va te faire baptiser. » Après qu'il reprit connaissance, il alla à Hipponi tandis que Pâques approchait, et soumit son nom parmi les autres qui s'étaient en grand nombre fait instruire, qu'il ne connaissait pas personnellement, et il fut baptisé. Il retourna chez lui après les jours saints. Il ne s'était pas préoccupé de partager sa vision avec moi ou à d'autres. Ce fut seulement 2 ans après que j'appris toute la vision. D'abord je l'entendis à la table d'un ami que nous avons en commun, alors que nous parlions de plusieurs choses sur son étonnante maladie. Puis me fiant à cela, je fis lire l'histoire par Kurma lui-même, en présence de gens de confiance, pour confirmer ce qui avait été dit. Il est certain que Kurma ne vit rien en vision par les yeux corporels. Ce sont là des effets du pouvoir divin qui se sert des anges pour avertir et consoler, ou bien effrayer les mortels suivant la profondeur de ses jugements.